Si manque pas mon soir, puis si mon bouche comme la fin de bois. On lève la fin plissée, à force ballon rond m'arranger. Mais je vois comme par hasard, moi la rentre un petit peu tard. Tant que dans le sommeil, la mort, la met à moins d'audio. La colme baby fait mal pour l'estomac. La maladie, ça y fatigue mon esprit. Pas fait perdre à moi, tout ça de moi nana. Fais vous laisser quand. Comme il rentre, mais fait bomber des autres. Dans la case, la pipe est à son idole. Comme il commence à battre, c'est la faute. Mais comme tantine est plus costaud, les mêmes gars mettent à moi à l'autre. Il dit au moins la guerre est galop. Le ciel t'es bois pas de l'eau. Ah bon? La calme est brabi, il fait mal mon estomac. La maladie, ça y fatigue mon esprit. A fait perdre à moi, tout ça de moi nana. La bouche fait rien que la grimace. La micro de gueule donne un point. On dirait mon triple et puis même place. Depuis ce jour, moi la dit baya. L'alcool m'y boit vie. A boire un peu jus de fruits, coupé avec whisky. L'alcool m'y boit pis. Mon terre. Ma boire un peu jus de fruits, coupé avec whisky. Ma boire un peu jus de fruits, coupé.